Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fadjet, dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie en parlant essentiellement de l'économie locale. Alors, lors de chaque émission, vous en avez pris donc l'habitude, nous aborderons une thématique spécifique aujourd'hui, l'immobilier et plus précisément le métier d'agent immobilier. Alors, on se retrouve très vite pour cette nouvelle émission de l'Instant Éco. Alors, l'immobilier intéresse les Français, même si le contexte est moins favorable depuis quelques mois avec des taux d'intérêt qui restent élevés et des prix qui certes baissent, mais pas suffisamment pour redonner du pouvoir d'achat aux ménages. Alors, dans ce contexte, une profession souffre, c'est celle d'agent immobilier. Et c'est la raison pour laquelle j'ai invité pour cette émission de l'Instant Éco un agent immobilier, Jem Demir, qui travaille au sein de l'agence Foncia. Bonjour, Jem Demir. Bonjour. Alors, l'agence Foncia, peut-être préciser quelle agence, parce qu'elle a beaucoup d'agences Foncia. Effectivement, nous avons plus de 600 agences en France. Alors, moi, je suis basé à l'agence de Metz, en Moselle. D'accord, très bien. Et puis, je voulais vous féliciter parce que j'ai appris récemment qu'on vous a décerné le prix du meilleur agent immobilier Foncia France. C'est ça? Effectivement, c'est ça, je vous remercie. Eh bien, félicitations. Alors, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur cette distinction? Alors, effectivement, en fait, chaque année, chez Foncia, nous organisons une cérémonie qui récompense les meilleurs contributeurs qu'on appelle les trophées de la transaction. Et en 2023, j'ai eu l'honneur d'être premier donc, en chiffre d'affaires et en nombre de ventes parmi 1000 collaborateurs sur toute la France. Alors, donc, ça correspond à peu près combien de ventes sur l'année? Écoutez, c'est 70 ventes et un chiffre d'affaires avoisinant les 700 000 euros. D'accord, très bien. Et alors, c'est une très belle performance parce que vous n'avez quand même pas énormément d'expérience. Vous avez quoi, 10 ans d'expérience? C'est ça. Bah, écoutez, moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Oui. J'ai commencé l'immobilier, effectivement, donc en 2013. Donc, je suis sur ma 11e année d'expérience. Vous aviez donc obtenu, donc, je crois, un BTS des professions immobilières, puis une licence professionnelle? C'est ça, exactement. Donc, BTS immobilier et une licence entrepreneuriat et management que j'ai effectivement fait aussi en alternance. Alors, le BTS, je crois, c'était au lycée Jeanne d'Arc ou à Georges de la Tour. Georges de la Tour à Nancy. Exactement, une très belle école que je recommande à tous les étudiants d'ailleurs, hein, où on a des formateurs qui sont géniaux et où on apprend vraiment tous les métiers de l'immobilier, non pas que la formation transaction, mais également la copropriété et la gestion. Donc, je le recommande à tous nos étudiants. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Alors justement, on va aborder dans cette émission l'importance d'avoir de bonnes compétences pour être un bon agent immobilier. Parce que pour terminer, premier agent immobilier, je suppose qu'il va falloir montrer vos compétences effectivement à vos clients. Alors avant d'aborder donc, le thème du marché immobilier, je voudrais revenir un petit peu sur votre parcours. Alors pour un jeune qui veut se lancer dans l'immobilier, comment devient-on agent immobilier? On vient d'en parler, je crois qu'il faut avoir un diplôme. Alors effectivement, il y a différents moyens, soit obtenir un diplôme qui va permettre d'acquérir toutes tes compétences dans le but d'intégrer un réseau, mais également la possibilité directement d'intégrer un groupe qui les formera avec leur propre process, notamment chez les mandataires. C'est un cas assez souvent qui est pratiqué. Mmh. Très bien. Alors, quelles sont les qualités indispensables pour être un bon agent immobilier? Alors là, il y en a beaucoup quand même. Je pense qu'on a tendance à résumer notre profession à simplement ouvrir des portes, mais c'est bien plus complexe que cela. Avant tout, un bon agent immobilier est quelqu'un qui sait écouter, comprendre et s'adapter à ses interlocuteurs. Un jeune couple n'aura pas les mêmes besoins, par exemple, et attentes qu'une personne retraitée. Nous sommes également médiateurs, quelquefois, dans des situations un peu plus compliquées, lors d'une succession ou une séparation, afin de gérer les différentes parties. Après, je dirais aussi que la persévérance est un atout très important également. C'est ce qui vous permettra de vous différencier de la concurrence. Avoir un mental très fort, c'est primordial aussi. Il y en a tellement, comme je vous disais, j'en ai beaucoup, mais je pense que je terminerai par l'organisation. C'est un métier qui demande une organisation et une gestion du temps précise. Il faut savoir à quel moment et de quelle façon gérer cela, savoir prioriser les urgences. Voilà. Et puis, je crois que la motivation, vous avez dit, la concurrence est forte et être motivé, être passionné par son métier, c'est une condition indispensable pour réussir. Incontournable. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Alors, s'il y a des plus jeunes ou des plus anciens qui veulent créer une agence immobilière, est-ce qu'on peut la créer librement ? Alors non, il faut le savoir que c'est un métier qui est réglementé, vous devez répondre donc, du coup, à certains critères. Hein. Il faut il faut avant tout obtenir une carte professionnelle, et pour cela, il vous faudra soit être diplômé donc, d'un BTS immobilier hein, sur 2 ans, qui vous permettra donc d'acquérir les cartes T pour la transaction, G pour la gestion et S pour la partie syndic, ou être diplômé d'un Bac+3 juridique, commercial ou économique, ou alors justifié de 3 ans d'expérience professionnelle pour les bacheliers et 10 ans pour les non-bacheliers. Voilà, et je crois que l'avantage d'avoir directement un BTS des professions immobilières, c'est que vous avez directement les 3 cartes professionnelles, gestion locative, syndic, hein, donc c'est des métiers qu'on abordera dans les mois à venir, et puis donc transactionnaire, hein, donc aussi bien en vente qu'en location. Tout à fait. C'est pour ça que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le BTS immobilier est une formation que je recommande à tous les étudiants, ou même que ce soit les plus jeunes ou les moins jeunes qui souhaitent se réorienter, car c'est une formation sur 2 ans qui vous permettra d'acquérir de nombreuses compétences et qui vous permettront ensuite de vous donner le temps de choisir parmi les 3 professions, on va dire, principaux, lesquelles seront le plus adaptées à votre compétence et à votre situation et à votre, on va dire, enthousiasme. Voilà. Alors, dans le domaine de l'immobilier, je suppose que la routine n'est pas de mise. Chaque jour apporte son lot de surprises, ce qui doit rendre votre métier passionnant. Alors, avec le recul, après vos 10 ans d'expérience, pourriez-vous nous citer un petit peu votre plus beau souvenir professionnel ? Écoutez, j'en ai tellement. Hein. Plus récemment, je dirais cette distinction qui a récompensé toute une année de travail. Mais je le serais plutôt pour la fois où j'ai réussi à vendre une maison à une cliente qui avait un certain âge et qui venait de perdre son mari. Elle était un peu perdue, les enfants qui habitaient loin et qui n'était pas forcément en bon terme, et donc elle avait besoin d'un vrai accompagnement. J'ai réussi à lui trouver un appartement dans une résidence sécurisée avec un ascenseur, et en parallèle réussi à vendre sa maison qui n'était pas évidente à vendre. Et le jour où tout s'est conclu et qu'on a réussi donc à se retrouver au moment de la signature de l'acte authentique, elle m'a remercié chaleureusement en étant ému. Et je peux vous avouer que ça, c'est un souvenir que je ne suis pas prêt d'oublier. Oui, une belle récompense de votre investissement. Tout à fait. Alors, vous avez certainement aussi de mauvais souvenirs. Moins nombreux, j'espère. Non, effectivement, étrangement, je pourrais pas dire que j'en ai vraiment. Je dirais plutôt, on va dire, des situations qui sont un peu moins évidentes à gérer, notamment les fois où les acheteurs, entre le moment où ils vous signent le compromis de vente et vous passez chez le notaire, ont un refus bancaire. Hein, c'est des choses qui arrivent, et un peu plus avec les contextes actuels. Et malheureusement, que ce soit vis-à-vis de l'acheteur qui a un projet de vie et qui, malheureusement, doit abandonner son projet, ou les vendeurs qui pensaient vendre leurs biens et qui doivent recommencer à zéro. Voilà, je dirais que ce sont des moments qui ne sont pas sympas à vivre, mais mis à part ça, je n'en ai pas spécialement. En tout cas, je ressens vraiment dans vos propos une réelle motivation pour votre métier. Je crois que le bonheur au travail, vous connaissez, hein, je crois. Tout à fait, je confirme. Alors, donc, quels sont finalement vos points forts finalement dans ce marché très concurrentiel ? Qu'est-ce qui vous a permis de vous implanter et de réussir ? Alors, je dis toujours en rigolant qu'il faut me dire 3 fois non pour que je l'accepte. Donc, je pense que la persévérance, la pugnacité et puis, je dirais même l'assiduité sont des atouts principaux, suivis également de la disponibilité et réactivité. Dans un marché qui est très concurrentiel, si vous mettez plusieurs jours à répondre à des clients, ils auront le temps de consulter plusieurs de vos confrères. Et aujourd'hui, ce qui va vous démarquer et qui va vous permettre d'acquérir des parts de marché plus importantes, ce sera votre réactivité et votre dynamisme. Oui, je suis tout à fait d'accord. On critique souvent la profession par leur manque de réactivité. Donc ça, c'est un point pour se distinguer. Tout à fait. Alors, on va faire une première pause musicale parce que c'est montrer qu'il n'y a pas que l'occasion de découvrir vos coups de cœur musicaux. Alors, Monsieur Demir, quel a été votre premier choix ? Alors, j'ai choisi Elvis Presley parce que tout simplement, je suis un grand fan depuis petit, hein, grâce à mon père qui nous faisait écouter dans la voiture en boucle. Et donc, du coup, en fonction de mon humeur, parce qu'il a une panel de musique assez large, hein, que ce soit des musiques d'amour ou d'autres, j'ai souvent tendance à l'écouter et en fonction de mon humeur, ça me motive énormément. Et donc, on va écouter quelle chanson d'Elvis Presley ? Donc, j'ai choisi Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. C'est une chanson d'amour qui, à chaque fois que je l'écoute, me permet de me calmer, de me ressourcer et de penser à plein de bonnes choses. En tout cas, un grand classique d'Elvis Presley. C'est votre premier coup de cœur, donc musical. Say only fools rush in, but I can't Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For Voilà, c'était Elvis Presley, c'était le premier coup de cœur musical de notre invité, Jane de Meer. Alors, vous êtes bien donc sur Radio Fadjet et nous accueillons pour cette émission de l'Instant Éco, Jane de Meer, qui est agent immobilier de l'agence Foncia à Metz, hein, pour parler donc immobilier et parler plus précisément du métier d'agent immobilier. Alors, dans la première partie, nous avons parlé des caractéristiques donc de la profession immobilière. On va maintenant parler du marché immobilier. Et après l'euphorie constatée après la crise sanitaire, on a un retournement donc de marché. Alors, cette tendance baissière donc ne doit pas être évidente pour les agents immobiliers. D'ailleurs, certains ont quitté le marché. Alors, comment avez-vous réagi face à ce marché plus difficile ? Alors, nous avons connu, d'une manière générale, une année 2023 difficile et un début d'année 2024 dans la même lignée. Il n'est jamais plaisant d'entendre à longueur de journée, que ce soit à la télé ou à la radio, que le marché de l'immobilier est en crise. Et d'ailleurs, je le remarque de plus en plus, ce fléau impacte énormément les clients qui, en fonction des informations, peuvent repousser leur projet parce qu'ils entendent que ce n'est peut-être pas le moment d'acheter ou ce n'est peut-être pas le moment de vendre. Et ça nous impacte aussi indirectement. Et d'un point de vue personnel, paradoxalement, 2023 a été ma meilleure année. Il a fallu pour moi revenir au fond d'un mouton avec notamment travailler le portefeuille acquéreur qu'on n'avait plus trop l'habitude de faire puisque post-Covid, tout se vendait à n'importe quel prix. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il y a sur le marché, il y a eu les moins bons n'ont pas pu résister. C'est malheureusement, ça, on dit toujours que les temps de crise font un tri et c'est ce qui s'est passé durant ces deux dernières années. Alors, cette baisse du volume de transactions s'explique en partie donc, par la remontée brutale des taux d'intérêt qui sont passés de 1% à près de 4%. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre dans les mois à venir à une baisse des taux d'intérêt ? Ah oui, tout à fait, c'est déjà le cas. Depuis plusieurs mois, on observe une baisse qui va continuer au moins d'après donc, les différents indices économiques jusqu'à la fin de l'année. Alors, c'est vrai que lorsqu'on regarde d'un point de vue historique, avoir des taux à 3,5 ou 4% n'est pas non plus stratosphérique. Dans les années 80, les taux ont déjà atteint les 16%. Dans les années 90, on était plutôt autour des 9%. Et évidemment, dans les années 2000, on était déjà sur les bases actuelles. Simplement que de 2016 à 2022, il y a eu une vague où les taux étaient anormalement bas. Et tant mieux pour ceux qui en ont profité, c'est très bien. Mais c'était sûr que cela ne pouvait pas durer. Il faut aussi laisser le temps aux consommateurs, parce qu'on le voit, qu'il y a des gens qui ont encore un peu de mal à ça, de faire le deuil de ces taux qui étaient extrêmement bas et d'accepter qu'on va stabiliser sur des taux entre 2,5 et 3%. C'est vrai qu'à l'époque, il y a quelques années, lorsque ces taux étaient extrêmement bas, on avait plus de 1 200 000 transactions et qu'on est tombé aujourd'hui à autour de 800 000. Donc c'est une baisse sensible, même si les 800 000, c'est quand même un bon volume de transactions. Exactement. Alors, autre préoccupation pour les candidats à l'accession à la propriété, c'est la performance énergétique du logement dans le contexte de hausse des prix des matières premières. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que de plus en plus de ménages s'intéressent à ce qu'on appelle le DPE, le diagnostic de performance énergétique, avant de signer un compromis chez vous ? Absolument, absolument. Il y a encore quelques années, hein, quand j'avais débuté en 2013, la note énergétique, hein, ce qu'on appelle le DPE, était un document, alors je vais même dire anecdotique, entre guillemets. C'était un simple document qu'on devait donc fournir en plus des autres éléments et qui était vraiment pas important pour les acheteurs. Et aujourd'hui, hein, depuis notamment 2 ans, on peut souligner que c'est devenu limite un critère rédhibitoire, que ce soit pour les ménages qui craignent pour leur facture d'énergie, mais aussi pour les investisseurs qui ont peur de ne pas pouvoir louer leur appartement à l'avenir si la note est mauvaise. C'est devenu un élément très très très important qui peut être rédhibitoire pour beaucoup de personnes. Alors, donc on rappelle que ce DPE, ce diagnostic de performance énergétique, classe les logements de A, meilleure catégorie. Tout à fait. Hein, donc A, G, qui est donc justement la plus mauvaise. Et on parle alors de passoire énergétique. Alors pouvez-vous parler un petit peu de ces logements, ces passoires? Quelles sont leurs caractéristiques, hein, leur date de construction? Y a-t-il une décote importante que vous constatez lors de la vente? Effectivement, il s'agit généralement des bâtiments qui ont été construits avant les années 70, hein, où l'isolation n'était pas une obligation. Hein, donc c'est soit les appartements pendant la guerre ou dans les années 70, on a connu une forte augmentation de construction et on constate une décote en fonction des secteurs qui peuvent atteindre jusqu'à 20% hein, du prix initial. Et les vendeurs se trouvent parfois dans une situation compliquée où améliorer la note de leur logement nécessite soit des travaux importants pour lesquels ils n'ont pas le budget, hein, donc raison pour laquelle ils préfèrent le vendre, ou parfois sont tributaires d'une copropriété où la majorité des résidents ne veulent pas réaliser les travaux tout de suite ou n'ont pas forcément les moyens non plus, et ces situations peuvent mettre les vendeurs en difficulté. Et donc vous avez une décote de quel ordre à peu près? 20%. 20% de décote, et il semblerait que ces logements arrivent quand même à se vendre. Alors oui, parce qu'effectivement les acheteurs, que ce soit les investisseurs ou les personnes qui vont l'acheter pour leur résidence principale, prévoient un budget de travaux. D'ailleurs les banques l'exigent aussi, hein. Faut savoir que du moment que vous avez une note énergétique qui est en rouge, donc en F ou en G, la banque, bien souvent, enfin la plupart des banques vous réclament des devis travaux qui vont vous permettre d'améliorer cette note énergétique. Donc du coup, en prenant en compte les travaux et en négociant d'une manière un peu plus importante le prix du bien, effectivement, ces biens trouvent quand même des acheteurs. Alors votre profession est également confrontée à la montée de la concurrence avec notamment depuis quelques années de nouveaux entrants sur le marché, des entrants qui sont donc présents sur Internet avec notamment le succès croissant des mandataires indépendants qui représentent aujourd'hui plus de 20% de parts de marché. Alors pour une agence traditionnelle qui a pignon sur rue comme la vôtre, comment vous appréhendez cette montée de la concurrence ? Bah écoutez, nous n'avons pas d'appréciation particulière. Je pense que dans un marché comme le nôtre, tout le monde a sa place. Les clients, en fonction de leur âge ou de leur situation géographique, ne vont pas avoir les mêmes attentes. Les mandataires proposent un format différent qui peuvent convenir à une certaine clientèle. Et comme je dis souvent, au final, celui ou celle qui fera la différence sera l'interlocuteur à qui vous aurez affaire. Tout à fait. Et puis je pense que la compétence en termes de connaissances, hein, donc est plus importante dans une agence immobilière traditionnelle. Bien souvent. Hein, parce que ces mandataires indépendants, généralement, ils sont formés en 15 jours. Souvent, effectivement, après, vous avez des différences en fonction des mandataires, des réseaux. Mais bien souvent, effectivement, il est plus facile d'intégrer un réseau de mandataires qui ne demande pas de compétences particulières qu'une agence immobilière qui va être un peu plus exigeante sur les compétences et les diplômes. Alors, on a parlé essentiellement de vente, hein, parce qu'effectivement, en France, on a 58% de propriétaires, mais il y a quand même 42% de locataires. Alors, est-ce que votre agence s'intéresse à ce marché de la location? Ah ben évidemment, il faut savoir que Foncia, aujourd'hui, est premier loueur de France. Et je dis toujours que les locataires d'aujourd'hui sont les acheteurs de demain. Donc, il est important de connaître les critères des locataires afin de mieux orienter aussi leurs besoins et aussi savoir ce qu'ils recherchent comme type d'appartement pour que les investisseurs qui viennent nous voir pour investir dans l'immobilier puissent acheter des appartements ou des maisons qui pourront convenir à des locataires afin de ne pas avoir beaucoup de vacances locatives. Voilà. Et aujourd'hui, donc, est-ce qu'il est facile, dans le cadre d'un parcours résidentiel, de passer du statut de locataire pendant plusieurs années à celui de propriétaire? On parle de primo-accédant. Alors, un peu moins que pendant la période Covid, je vous avoue. Cependant, en France, nous avons la chance d'avoir un système bancaire qui permet l'accès à la propriété d'une manière assez facile. Il vous suffira d'un CDI dans la plupart des cas, sauf si vous êtes auto-entrepreneur. Donc là, ce sera des bilans, mais je vais parler pour la grande majorité des Français. Ce sera un CDI, un apport, hein, qui peut être en général soit les frais de notaire, mais il y a certaines banques qui acceptent encore de vous financer sans apport ou avec un apport moins important, et une mensualité donc de prêt qui ne devra pas dépasser 33% de vos revenus. Et si les conditions là sont réunies, vous pouvez tout à fait prétendre à devenir propriétaire. Très bien. De belles perspectives, donc. Donc, il ne faut pas angoisser pour ces primo-accédants. Absolument pas, au contraire. Donc, très bien. Alors, on va continuer à découvrir vos coups de cœur donc, musicaux. Alors, quel a été votre deuxième choix ? Donc, j'ai choisi le titre Rosis Iman Make Remix, qui est une chanson qui me met souvent de bonne humeur, que j'aime bien écouter le matin en allant travailler. Eh bien, moi, je ne connais pas, donc ça va être une découverte pour moi. Voilà, c'était donc le deuxième coup de cœur musical de notre invité, Jem Demir. Vous écoutez Radio Fadjet, vous êtes bien donc dans l'émission L'Instant Écho pour parler immobilier avec un professionnel, Jem Demir, agent immobilier au sein de l'agence Foncia à Metz. Alors nous avons évoqué tout à l'heure la tendance un petit peu difficile du marché immobilier, mais est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir ? Très. Je pense que notre secteur évolue avec l'intelligence artificielle, il évoluera encore plus. Il faudra simplement savoir prendre les bons virages au bon moment. Ce qui ne changera pas, c'est que tout le monde aura besoin d'un toit. Cela dure depuis la nuit des temps, donc on ne peut que être confiant pour l'avenir. En tout cas, en vous écoutant, je vois que vous êtes un agent immobilier heureux. Je crois que vous n'avez pas fait de mauvais choix dans votre carrière professionnelle. Absolument pas. Au contraire, je peux dire que je suis très heureux, très épanoui et je souhaite à tous nos auditeurs, que ce soit dans le domaine de l'immobilier ou dans n'importe quel domaine, d'être autant épanoui que je peux l'être tous les jours en allant au travail. C'est vrai, on peut le dire aux plus jeunes, choisissez la bonne formation qui correspond à vos attentes pour connaître effectivement un bel épanouissement professionnel. Tout à fait. Alors, quelles sont vos perspectives pour les mois à venir ? Écoutez, les perspectives, c'est avant tout de maintenir les mêmes performances que j'ai pu réaliser en 2023, de mener à terme tous mes dossiers en cours et d'être à nouveau foncier d'or en 2024, j'espère. Eh bien, j'espère pour vous aussi. C'est les meilleures perspectives pour vous. Alors, si on souhaite vous retrouver sur les réseaux sociaux, je crois que vous êtes réellement présent. Tout à fait, notamment sur deux réseaux en particulier, donc Facebook et LinkedIn. Vous tapez donc Cem Demir pour LinkedIn, donc C-E-M plus loin Demir, D-E-M-I-R, et sur ma page Facebook, mon prénom et mon nom à nouveau avec l'entité Foncia. Eh bien, très bien, ainsi s'achève cette émission de l'Instant Éco qui a passé bien vite. Merci Cem Demir d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. En espérant effectivement d'avoir éclairé au mieux les auditeurs et auditrices sur ce passionnant métier d'agent immobilier. N'hésitez pas à faire vos commentaires sur la page Facebook de Radio Fadjet et de faire des suggestions sur les thèmes que vous souhaitez donc aborder donc dans les mois à venir. Alors d'ici là, on se retrouve donc dans un mois et puis n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce...